En octobre 1962, le prix Nobel de médecine est remis à trois hommes, Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins, pour leur découverte sur la structure moléculaire des acides nucléiques et sa signification pour la transmission de l'information pour la matière vivante, c'est-à-dire pour avoir mis au jour la structure en double hélice de l'ADN, et ce, en grande partie grâce à un cliché, le cliché 51, obtenu par diffraction de rayon X. Or ce cliché, l'histoire montrera qu'il n'a été pris par aucun de ces trois hommes, mais par une femme, Rosalind Franklin, morte 4 ans plus tôt et dont le travail a été pillé en toute impunité. Rosalind Franklin a deux brins du Nobel, c'est l'histoire que nous allons vous conter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer cette carrière de Rosalind Franklin et contribuer à sa réhabilitation qui a déjà largement commencé ces dernières années, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Carole Écoffet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut de sciences des matériaux à l'Université de Haute-Alsace, rédactrice des notes biographiques de femmes scientifiques pour le Dictionnaire des créatrices. C'est aux éditions des femmes Antoine Fouque. Bonjour Michel Morange. Bonjour. Vous êtes professeur de biologie à l'École normale supérieure et Sorbonne Université, directeur du Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences à l'ENS. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et à travers les compléments d'informations, les études, les schémas qui vont être postés tout au long de cette heure sur notre fil Twitter @laméthodefc. Le 10 décembre 1962 à Stockholm, cinq physiciens et chimistes recevaient collectivement dans le faste et la pompe le prix Nobel des mains du roi de Suède. Ils s'appellent Crick, Watson, Wilkins, Perutz, Kendrew. Premier fait significatif, trois de ces chimistes et physiciens recevaient non pas un prix de chimie ou de physique, comme il serait logique de le penser, mais de médecine. Objet de leurs travaux, la structure du DNA. Mais quel rapport y a-t-il donc entre la physique, la chimie et la vie ? Et sur ces cinq hommes, les trois mentionnés à la fin de cet archive sont donc Crick, Watson et Wilkins, pour ce prix de Nobel de médecine en 1962. Alors les règles du prix Nobel sont très strictes, il ne peut être décerné de façon posthume, d'une part, et pas à plus de trois personnes. Rosalind Franklin était morte 4 ans plus tôt, avant la remise de ce prix Nobel. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à Crick, Watson et Wilkins, Carole Écoffet ? Oui, donc Rosalind Franklin est souvent mentionnée, heureusement, quand on parle de ce prix Nobel, justement parce qu'on n'en parle pas. Et c'est elle qui a obtenu les premiers clichés qui donnaient une preuve sûre de la structure de l'ADN. Crick et Watson, eux, on avait eu l'intuition, ils avaient proposé un modèle, mais c'est grâce à ces clichés qu'on avait une preuve certaine. Wilkins travaillait avec Rosalind Franklin, il a communiqué ses résultats, mais ensuite elle a été complètement mise hors course et on l'a complètement oubliée. Et surtout, par la suite, Watson va écrire un livre, La double hélice, où il va raconter cette course et où il va parler de Rosalind Franklin dans des termes peu sympathiques. C'est un euphémisme. Voilà. Il donne une image d'elle absolument odieuse. Et les amis de Rosalind Franklin vont se battre pour faire reconnaître le travail qu'elle avait fait à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut préciser que Rosalind Franklin est décédée relativement jeune, 4 ans plus tôt. Peut-être un mot, et on va revenir et tout au long de cette heure sur cette carrière de Rosalind Franklin, un mot, le reproche qui est principalement adressé à Watson, c'est de n'avoir pas fait mentionner le nom sur aucune étude, d'avoir extraordinairement minimisé l'importance du travail de Rosalind Franklin dans cette découverte de la structure de l'ADN, Michel Morange. Oui, et d'ailleurs, ils vont faire même une faute qui est plus grande, ils vont inverser la preuve, c'est-à-dire dans leur article, ils vont dire qu'ils ont bâti leur modèle et qu'ils ont été heureux de pouvoir le confirmer avec l'image de obtenue par Rosalind Franklin, puisqu'effectivement, juste avant la publication, ils ont vu officiellement l'image. Mais en fait, ils ont bâti leur modèle à partir de l'image de Rosalind Franklin qu'ils avaient vue subrepticement avant. Donc il y a une double faute vis-à-vis de Rosalind Franklin et vis-à-vis de la vérité scientifique. Et on va voir qu'il y a effectivement par ailleurs une acquisition frauduleuse et très contestable de ces résultats expérimentaux qui faisaient défaut hein, à Crick et Watson pour précisément mettre le doigt, prouver, avoir une preuve observationnelle expérimentale de cette structure en double hélice. Peut-être un mot pour compléter cette introduction. Rosalind Franklin est devenue hein, aujourd'hui au regard de l'histoire des sciences le symbole de l'injustice qui est faite aux femmes et notamment aux femmes scientifiques dans l'attribution des prix Nobel aujourd'hui avec après plus d'un siècle de prix Nobel, seuls 4% des prix Nobel ont été attribués à des femmes. Carole Ecoffet, aujourd'hui, c'est la puissance symbolique dont voilà. A été investie Rosalind Franklin. C'est vrai qu'elle est devenue quasiment le symbole du prix Nobel qui n'est pas attribué aux femmes. En particulier en physique et en chimie, il y en a un peu plus maintenant en médecine. Bon, ça reste faible. Littérature épais, il y en a aussi un peu plus, mais en physique et en chimie, elles sont extrêmement rares. Je crois qu'il y en a 4. Donc, dont 2 à Marie Curie. Voilà. On va vous mettre la liste sur le voilà. Fil Twitter. Je vous la redonnerai dans quelques secondes. Et par contre, il faut peut-être signaler aussi que 2 ans après le prix Nobel attribué à Crick et Watson, c'est une femme qui va avoir un prix Nobel de chimie pour de la cristallographie sur des molécules vivantes. C'est Dorothy Hodgkin. Tout à fait. La cristallographie qui est l'une des méthodes utilisées. Mais après, depuis elle, il y a eu encore une plus récemment, mais ça reste extrêmement faible. C'est devenu l'histoire des sciences a transformé Rosalind Franklin comme ça en une femme symbole, en une scientifique symbole justement bien de la négligence de la représentation de la contribution scientifique des femmes à la science, à la recherche scientifique en règle générale, Michel Morange. Oui, mais justement je pense que c'est bien de la faire sortir un peu de cette image de victime et de montrer justement tout l'intérêt de ses travaux. Indépendamment donc de cette non-reconnaissance par le prix Nobel qui finalement n'a pas eu lieu puisque malheureusement pour elle, elle était morte avant le prix Nobel, mais de montrer tout l'intérêt de ses travaux indépendamment de ça. Eh bien, c'est ce que nous allons faire et c'est ce à quoi nous allons nous atteler immédiatement. On va retracer cette carrière. On va voir qu'effectivement, c'est une carrière incroyablement riche hein, parce que Rosalind Franklin a fait des travaux dans 3 secteurs qui sont des secteurs dont on va voir qu'ils ont des points de jonction mais qui sont des secteurs malgré tout relativement différents. Peut-être qu'on peut dire un mot pour commencer, Carole Ecoffet, de sa prime jeunesse, de son milieu familial qui a son importance. Donc, c'était un milieu plutôt aisé, intellectuel, juif, et elle s'est montrée très tôt intéressée par les études, par la science. Donc, puis elle a eu la chance d'avoir aussi une famille qui lui a permis de faire les études qui l'intéressaient. On peut préciser qu'elle est née le 25 juillet 1920, qu'elle a effectivement un parcours scolaire exemplaire et qu'elle montre très tôt une curiosité et un talent pour les sciences, Michel Morange. Oui, d'ailleurs, ça va être une des caractéristiques dont on va sans doute parler, c'est qu'elle sera une excellente expérimentatrice. Et c'est justement dans la réalisation du fameux cliché dont vous parliez, mais la mise au point même des appareils, le développement des technologies, elle va avoir un rôle majeur dans son domaine. On peut dire que donc voilà elle dès l'âge de 15 ans elle commence à rencontrer des cursus pour s'engager dans un cursus scientifique. Vous l'avez dit Carole Ecoffet, en tant que femme juive, c'est pas anodin. On est en 1935 et c'est un double obstacle pour une femme juive pour accéder bien à des études scientifiques et pour passer justement des niveaux et des diplômes. Bon, elle était inscrite dans je n'ai plus en tête le là où elle était inscrite, mais en tous les cas, il y avait des... Elle va faire ses premiers travaux de recherche à Cambridge. Hein. À Cambridge, oui, en recherche, mais au départ, pour les études, en tous les cas, elle peut suivre des études. Et je crois que pour elle, à ce moment-là, le fait d'être une femme, ça ne posait pas problème. Elle avait envie de faire des sciences, elle venait d'un milieu où elle avait l'habitude de se battre intellectuellement, de se chamailler intellectuellement, elle était dans un milieu qui lui plaisait. Elle rentre dans une des rares écoles de filles à Londres, qui est l'école pour filles de Saint-Paul à West London. Donc il y avait effectivement des possibilités quand même de suivre des études. C'est l'une des rares écoles de filles qui enseigne la physique et la chimie par ailleurs. Voilà. Ce qu'on ne faisait pas, les filles n'apprenaient pas la physique et la chimie, Michel Morange. Ou peu, c'était plus compliqué. Je pense, ça n'a pas tellement changé d'une certaine manière. Il y a toujours cette idée que plus les sciences sont dures, plus elles sont destinées aux garçons. Les sciences un peu plus molles, comme par exemple la biologie, aux besoins, les filles peuvent réussir dedans, oui. Pierre-Olivier Coffet, sur ce début de carrière, pour continuer donc. Oui, donc ensuite elle suit des études de chimie, et je crois que ses premiers travaux de recherche, c'était avec Norrisch, sur des polymères, mais on arrive à une époque difficile puisque c'est la période de la Seconde Guerre mondiale, et par choix elle souhaite aller vers des choses peut-être plus appliquées, plus en lien avec l'économie de la guerre, et elle va travailler sur le carbone. Alors il faut voir le carbone. Pourquoi le carbone? C'est pas seulement le charbon, c'est aussi le carbone actif qui va permettre de faire des masques à gaz, qui va permettre de dépolluer. Et toute la porosité des carbones va l'intéresser pour mieux comprendre les différentes formes du carbone. Donc c'est comme ça qu'elle va rentrer en contact avec ce matériau. C'est ça, ce sont ses premiers travaux qu'elle effectue donc à Cambridge sur ses propriétés du charbon. On peut dire qu'elle s'en sert à la fois pour les performance comme combustible, mais aussi effectivement comme élément à des fins de production de masques à gaz pendant la guerre. C'est donc plutôt des travaux de physique chimie appliquée, Michel Morange ? Oui, c'est certain. Et ça va être des travaux appliqués, on pourrait dire, jusque à sa conversion à l'ADN dans les années 50, puisque après elle va quitter l'Angleterre pour la France, pour Paris, elle va continuer encore à travailler sur le carbone. Alors justement, une fois la guerre terminée, elle obtient son doctorat en physique-chimie en 1945, donc exactement à la fin de la guerre. Et là, c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir à elle, puisqu'elle vient s'installer à Paris. Oui. Carole Coffet. Donc, elle cherchait un endroit où continuer ses études, où continuer quelque chose sur le carbone. Elle rencontre des chercheurs parisiens, dont Jacques Mehring. Et elle fait bonne impression, elle leur écrit, et ils ont réussi à lui trouver un poste. De post-doc, qu'on appellerait le poste de doctorat. Aujourd'hui, on appellerait ça un post-doc, exactement. Ça ne veut pas dire que c'était forcément bien payé, mais le sujet était intéressant. Donc, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Les choses ne changent pas beaucoup, dans la recherche. Et c'est vraiment l'intérêt du sujet qui fait qu'elle va aller à Paris. Et c'est là qu'elle va apprendre la cristallo, parce que jusqu'à présent, elle ne connaissait rien à cette nouvelle technique qui était la cristallographie. Elle va décrocher donc ce poste doctorat ou ce poste de recherche au CNRS en début 1947. Qu'est-ce que c'est, Michel Morange, que ces travaux qui commencent à émerger sur la diffraction des rayons X et la cristallographie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ce sont des travaux déjà anciens, puisque la technique et le principe d'utilisation de cette technique pour avoir accès à la structure des molécules, ces principes ont été établis dès le début du XXe siècle par plusieurs physiciens, mais en particulier les Bragg, qui vont fonder l'école britannique de cristallographie. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir des progrès lents mais sûrs pour décrire la structure de molécules de plus en plus grandes, de taille de plus en plus importante, avec des étapes. Par exemple, les hormones vont être parmi les premières cibles. Et puis après, il va y avoir les macromolécules biologiques, l'ADN dont on va beaucoup parler, et aussi en parallèle, les protéines. C'est donc une technique qui a un développement très long, très progressif, mais qui petit à petit résout les obstacles qu'on rencontre et puis bénéficie aussi du progrès des technologies, en particulier de la mise au point des ordinateurs et d'outils de calcul puissants. Alors les ordinateurs, ça va arriver plus tard, mais dans les années 50. Voilà. Mais concrètement, comment est-ce qu'on utilise ces rayons X et cette cristallographie pour pouvoir avoir une première visualisation, alors qui est encore très imprécise, mais on obtient finalement les premières images de ces structures moléculaires complexes, de ces protéines, de ces cellules. Il y a un point qui est intéressant dans l'étude des molécules aujourd'hui. Tout le monde a en tête ce qu'est une molécule. On a des images qui apparaissent et on a l'impression qu'on va les voir. Alors, on a commencé à avoir quelques techniques très récemment, enfin, il y a quelques dizaines d'années, qui vont permettre de voir des atomes sur des surfaces. Mais en réalité, on ne voit jamais les molécules. Et là, ce que l'on va voir, c'est des réseaux de molécules qui vont diffracter. Donc, l'image que l'on va obtenir, ça ne sera jamais l'image de la molécule, mais ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Donc, on va passer dans un autre espace, on va obtenir des tâches, et il va falloir lire ces tâches. Et c'est tout un travail mathématique, une construction mentale qu'il faut se faire. C'est un peu le même lien qu'il y a entre une courbe de son et la musique que l'on entend. Le passage de la fréquence à un histogramme. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et donc il y a non seulement le fait d'obtenir des échantillons bien préparés. Donc il y a tout un travail de préparation des échantillons qui est très important. Ensuite, il y a l'obtention de clichés de grande qualité et la capacité ensuite de faire les mathématiques et d'avoir la pensée qui est derrière pour réinterpréter tout ça. Sans ordinateur... C'est des mathématiques effectivement assez complexes. On va vous mettre sur le fil Twitter quelques images justement de ces molécules imprimées, visualisées par cristallographie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir évidemment qu'il y a un lien avec la suite des travaux sur l'ADN, mais Rosaline Franklin, Michel Morange, est très douée à sa marche. Bien, on dit et on lit dans sa biographie que ces 3 années qu'elle passe à Paris à travailler sur ces techniques font partie des 3 plus heureuses années de sa vie. Oui, mais plus heureuses à la fois parce qu'elle travaille bien, mais aussi parce qu'elle trouve l'ambiance parisienne tout à fait agréable. Et je peux vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Il y a quelques années, il y avait une réunion à la Royal Society à Londres pour célébrer la découverte de la double hélice. Et Brenda Maddox, qui a écrit une biographie de Rosaline Franklin, était là. Et puis, elle a réaffirmé que ça avait été les années les plus heureuses de sa vie. Et alors, un des auditeurs, à la fin, a dit « Mais comment est-ce possible ?» D'abord, elle était en dehors de l'Angleterre. Déjà, ça paraissait difficile que ça puisse être la période la plus heureuse de sa vie. Et puis, surtout en France. Comment en France pouvait-on être plus heureux qu'en Angleterre? Et pourtant, c'était le cas, je pense, parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, mais parce que les relations sociales étaient probablement moins rigides en France à l'époque qu'elles ne pouvaient l'être en Grande-Bretagne. Les classes sociales étaient, bon, je ne dis pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient moins séparées qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et puis peut-être que l'accent, la manière dont parlait Rosaline, qui soulignait pour un Anglais qu'elle était de la classe supérieure, et ben pour les Français, c'était de l'anglais. Et ça ne faisait pas de différence. Carole Écoffet a quelques éléments de réponse, nous fournir sur ces 3 années de grand bonheur. Là, j'ai une autre biographie qui avait été écrite par Anne Serre, qui était une amie de Rosaline, donc juste après la sortie de la double hélice de Watson. Et là, elle indique effectivement que le climat en France est particulièrement favorable pour les femmes, qu'il y a une reconnaissance des femmes intellectuelles pour ce qu'elles valent et non pas, elles ne sont pas discréditées comme ça pourrait l'être dans le monde anglo-saxon. Et Anne Serre le souligne elle-même, puisqu'elle c'était l'épouse d'une collègue de Rosaline Franklin, et quand elle est venue à Paris, elle a ressenti cette ambiance beaucoup plus légère pour les femmes. C'est vrai que ça m'a surpris de le lire écrit donc en 74, je crois. Ça fait plaisir. Et puis, on va voir surtout que dans la suite, le retour en Angleterre est effectivement un retour de bâton très violent, et notamment précisément dans les relations hommes-femmes, mais les relations de pouvoir dont Rosaline Franklin va pâtir énormément. Michel Morange. Non, il y a un dernier élément aussi, je crois, qu'il y a caractéristique de l'université britannique, c'est l'existence des clubs. C'est-à-dire que souvent, l'université, il y a un club et c'est là qu'on discute entre collègues. Or, les clubs, c'est aussi réservé à un sexe. 100% masculin. Et donc, ça veut dire qu'une femme ne peut pas avoir accès au club universitaire en Grande-Bretagne. En France, il n'y a pas de club dans les universités. Donc, elle pouvait discuter avec ses collègues masculins comme elle voulait. Et pour répondre et pour revenir avec un petit temps de retard sur la question que nous nous posions ensemble tout à l'heure, il y a 5 femmes qui ont obtenu des prix Nobel de physique et chimie. Marie Curie, Maria Goeper-Meyer, Dorothée Hodkin, Irène Joliot-Curie et Ada Yonath. Voilà, c'est Ada Yonath qui nous manque. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons de la carrière de Rosalind Franklin après ses 3 ans idylliques de recherche sur la cristallographie et les diffractions des rayons X à Paris. Et bien, retour à Londres, puisque Rosalind Franklin décroche une bourse pour aller travailler 3 ans au King's College. Et c'est là où les choses vont non seulement se préciser dans ses travaux de recherche, mais vont aussi commencer à se compliquer très nettement. Quand elle arrive au King's College, elle est orientée par John Randall, qui est son directeur de laboratoire, vers l'étude de l'ADN. Pourquoi est-ce qu'elle passe de la cristallographie d'un seul coup à cette étude de l'ADN, Carole Écoffet ? C'est justement pour ses compétences en cristallographie. Bon, elle va changer de substance d'étude, mais en revanche, tout ce qu'elle a appris à Paris va lui servir pour analyser cette molécule biologique. Et là, c'est encore un autre défi, parce qu'autant avec le carbone, on pouvait avoir des zones cristallines à peu près bien ordonnées, les molécules biologiques, la préparation est encore plus longue. Mais elle va, comme elle est très opiniâtre, elle va s'y mettre très sérieusement. C'est l'une de ses caractéristiques, hein. On ne l'a pas dit, elle parle plusieurs langues, elle est très opiniâtre, elle est très sérieuse, c'est une grosse travailleuse et ça, beaucoup de témoignages en attestent. Oui, je crois que tous ceux qui l'ont rencontrée, c'était vraiment le point, ça et sa capacité à tenir tête et à être intransigeante par rapport à la qualité des résultats, à la qualité scientifique, aux preuves, et elle ne laissait vraiment pas tomber. Quoi qu'il arrive, il fallait aller jusqu'au bout. Si la solution existait quelque part, il fallait la mettre en œuvre, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il faut refaire un point, Michel Morange, sur l'état des connaissances à cette époque, en 1950, sur l'ADN en règle générale. On commence à connaître un peu l'ADN, on sait quelles sont les molécules qui le composent, mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, on ne sait pas que l'ADN est constitutif de tous les éléments du vivant. Non, on ne sait pas. On pense qu'il y a certains. On n'est pas sûr que certains organismes contiennent de l'ADN. On pense qu'il y en a qui n'en ont peut-être pas. Jusqu'en 1945, il y a beaucoup de gens pensent que les bactéries n'ont pas d'ADN, par exemple. D'autre part, sa fonction est loin d'être claire parce que là encore, on a pu le situer montrer qu'il est attaché au chromosome. Et donc, on pourrait dire rétrospectivement, ben voilà, les chromosomes, c'est là que sont les gènes, donc c'est la preuve que le constituant des gènes, c'est l'ADN. Le problème, c'est que les chromosomes, c'est de l'ADN et des protéines. Donc, on a 2 constituants possibles du gène et on préfère les protéines. Parce que pendant tout le début du XXe siècle, eh bien, on a étudié les protéines, on a montré qu'elles avaient de multiples fonctions, qu'elles étaient spécifiques. Elles apparaissent comme les meilleurs candidats pour être finalement le constituant du gène. On connaît la nature des 4 nucléotides pour autant. Alors pour l'ADN, on connaît la nature des 4 nucléotides, mais là encore, avec des imprécisions, puisque par exemple, on ne sait pas combien de chaînes, s'il y a plusieurs chaînes associées, ça va être une des grosses questions que vont rencontrer Watson Crick, Rosalind Franklin. On n'est pas sûr non plus de la structure précise des bases, c'est-à-dire ce qu'on appelle des formes tautomériques, le détail des positions des hydrogènes sur la structure n'est pas connu, donc il y a des inconnus. Et puis surtout, il y a un modèle qui s'est installé un peu depuis les années 1930, qui est le modèle du tétranucléotide, comme quoi l'ADN serait formé de la répétition régulière des 4 nucléotides. Et donc, ça serait une molécule monotone, donc sans intérêt, sauf peut-être d'être une réserve de nucléotides d'énergie. Carole Écoffet. Mais en même temps, il y a les travaux de Chagraff qui montrent qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de certaines bases. Il y a des proportions qui sont de plus en plus précises. Et cette histoire de 4 bases, ça commence à être battu un peu en brèche. Oui, et ça, c'est effectivement grâce au travail, comme le dit Carole, de Chargaff, et puis grâce à une découverte qui a précédé celle de Oswald Avery, qui en 1944 montre que ce qu'on appelle le principe transformant des pneumocoques, c'est-à-dire une substance capable de transformer les propriétés des pneumocoques, eh bien cette substance, il l'a purifiée et il ne trouve que de l'ADN. Et c'est ça qui amène à réfléchir en disant, mais est-ce que cette molécule est si quelconque, si monotone, et en particulier qui pousse Chargaff justement à reprendre les analyses et à montrer que non, il n'y a pas de tétranucléotide, il y a des proportions variables. Je parle sous votre contrôle, est-ce qu'on sait en 1950, est-ce qu'on connaît la complémentarité des nucléotides? Pas encore, me semble-t-il, hein, où on commence à tourner autour, mais on n'en est pas sûr. La complémentarité des bases de nucléotides à CTG. Ben, Chargaff va la sortir de son analyse parce que il montre d'un côté que les quatre nucléotides sont en proportion variable suivant les espèces, mais en même temps, il retrouve une autre régularité qui est qu'il y a autant de A que de T et autant de G que de C. Régularité, d'ailleurs, dont au départ, il ne sait absolument pas quoi faire parce que lui, plus il souhaitait montrer que c'était différent et il tombe sur une régularité qu'il n'attendait pas. On va revenir du coup au parcours de Rosalind Franklin, où elle arrive dans un laboratoire où travaille déjà un certain Maurice Watkins, l'un des futurs trois prix Nobel, qui a initié justement des recherches sur l'ADN par diffraction, Carole Ecoffet. Oui, donc Rosalind Franklin arrive dans ce laboratoire et on lui dit oui, vous pourrez travailler sur, vous aurez votre groupe de recherche, enfin vous allez travailler toute seule, mais en même temps on annonce à Wilkin qu'il va avoir une assistante. Et d'emblée, c'est une façon de manager la recherche qui est extrêmement désagréable puisque l'un comme l'autre ne savait pas du tout dans quel rôle ils se sont retrouvés. Il y avait forcément une mésentente dès le départ liée à mauvais management. Comment travaillent-ils ensemble et sur quoi travaillent-ils précisément? Parce qu'il y a le groupe, d'un côté, le binôme Watkins-Franklin, et puis de l'autre côté, il y a un autre binôme qui va être celui de Watson et Crick, qui vont travailler un peu en parallèle, Michel Morange. En parallèle, si on veut, parce que jamais Crick et Watson n'ont préparé de l'ADN et n'ont fait de la diffraction de l'ADN. Ils n'ont jamais fait une seule expérience. Donc, ils n'ont travaillé que sur les expériences faites par d'autres, soit par Wilkins, soit celles qu'ils ont réussi à avoir de Rosalind Franklin, soit des expériences plus anciennes d'un autre cristallographe qui était William Asbury. Mais donc, il y avait un déséquilibre total. Ils n'expérimentaient pas, alors que Rosalind Franklin, Maurice Wilkins expérimentaient, faisaient des vrais travaux sur l'ADN. Carole Ecoffet. Alors, ce qu'il y a aussi, Crick et Watson étaient conscients d'être dans une sorte de course. Il fallait trouver cette structure, il y avait un défi. Mais Rosalind Franklin participait à la course, mais n'était pas consciente que c'était une course. Et donc, ça faussait aussi sa relation aux autres, puisque elle voulait obtenir ses beaux clichés, obtenir des résultats très purs. Mais elle n'allait pas publier tant qu'elle n'était pas sûre. Elle avait besoin d'être mise en confiance. Or, vu les relations tendues qui étaient dans son groupe, elle avait tout sauf une mise en confiance. Donc, il fallait qu'elle se prouve encore plus que ses résultats étaient bons. Et à côté, on avait ce groupe de Crick et Watson qui, lui, avait envie très vite de publier, de faire de la com, tout en ayant une très bonne intuition, hein, attention. Et ça, parce qu'effectivement, ils ont une intuition de la structure en hélice, tout à fait, oui. Mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus pour les raisons que vous venez d'évoquer. Ça va être important, cette notion-là, c'est-à-dire d'un côté, Crick et Watson veulent aller très vite, alors que Franklin, elle, veut être sûre de ses résultats expérimentaux. Et ça va expliquer, tout à l'heure, on y reviendra, une différence de temps de publication qui va être pour beaucoup, bien sûr, la disparition, en tout cas, de Rosalind Franklin, de cette partie de la recherche, Michel Morange. Oui, et je pense qu'effectivement, il y a plus qu'une différence de caractère, il y a aussi des différences de tradition de recherche. C'est-à-dire, les cristallographes sont des gens qui savent que le progrès viendra de la connaissance des molécules et travaillent régulièrement, cherchent à obtenir les structures les plus précises avec sûreté. Watson et Crick sont des gens qui sont plus imprégnés déjà de biologie, c'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est en quoi la structure qu'ils vont obtenir peut répondre à une question d'ordre biologique, bien plus que la nature et la qualité de la structure qu'ils vont obtenir. Et c'est donc aussi une différence d'attitude. Ils sont pressés, bon, parce que effectivement ils veulent le succès, etc. Il y a une grande ambition chez eux, mais aussi parce qu'ils pensent que il y a une sorte de secret à trouver qui ouvrira la porte à des recherches futures, qui aura un impact énorme sur la biologie. On peut dire un mot pour arriver à l'histoire de ce fameux cliché 51, la collaboration entre Watkins et Franklin va tourner au vinaigre, Randall va les séparer, et du coup, ce n'est pas avec Watkins, mais c'est avec un certain Raymond Gosling que Rosalind Franklin va commencer précisément à faire ses clichés par spectrographie à rayon X, Carole Écoffet. Oui, donc elle ne travaille plus avec Watkins, c'est pas possible. Puis il y a sur fond de misogynie en plus, on la met de côté. Elle a son caractère. Vraiment, il y a des étincelles. Hein, se passe vraiment oui, très mal. Oui, je crois que Paris lui manque aussi beaucoup. Enfin, c'est un tout. Là, Paris, c'était les meilleures années de sa vie. Là, je crois que ça a été les pires. Et ça serait vraiment dommage de la réduire à cette période-là. Mais c'est vrai que c'est toute cette ambiance qui fait qu'elle n'a pas été jusqu'à publier. Alors, elle continue à travailler sur l'ADN. Elle obtient, faut voir ce que je disais tout à l'heure, obtenir un cristal, enfin, obtenir une substance suffisamment pure et bien ordonnée pour faire de des clichés de cristallographie qui durent très longtemps. Donc, il faut que toutes les conditions soient parfaites. Elle travaille avec Gosling, donc là, ils obtiennent ces clichés, mais... Ils arrivent à mettre en place un appareil rayon X plus performant que celui avec lequel elle avait l'habitude de travailler, là, je crois. J'ai plus en tête les détails. Je parle sous votre contrôle, évidemment. Oui. Elle a eu une source de rayons X plus puissante et elle a utilisé aussi une caméra, un appareil plus résolutif. Donc, elle a amélioré la technologie. Et c'est grâce à cette technologie qui s'améliore qu'elle va commencer à effectuer un certain nombre de clichés, 1, 2, 3, 50, jusqu'au fameux cliché 51. Sorry, but say the way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. And your little old friend sent you to make me sing another song. Look at your mama, good luck. May be with you. And may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Broken records, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me. Someday You'll Be Sorry de Louis Armstrong à 16h35 sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la carrière scientifique de Rosalind Franklin qui a découvert la structure en hélicoïdale de l'ADN mais dont le nom a été quelque peu oublié par l'histoire des sciences au profit de d'autres scientifiques masculins évidemment qui ont obtenu le prix Nobel à sa place, Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins, enfin à sa place, pas tout à fait à sa place, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, Rosalind Franklin est décédée très tôt des suites d'un cancer. Mais on parle de toute cette carrière et du moment où on va arriver précisément à cette découverte de la structure de l'ADN. Nous en parlons avec Carole Écoffet, qui est chercheuse à l'Institut des sciences des matériaux à l'Université de Haute-Alsace, et avec Michel Morange, qui est professeur de biologie à l'École normale supérieure et à Sorbonne Université. Alors nous arrivons en mai 1952. Rosalind Franklin et Raymond Gosling réalisent leur 51e image de diffraction. C'est le cliché 51 qui va permettre de déduire la structure en double hélice de l'ADN. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors qu'est-ce que c'est que ce cliché 51 et comment a-t-il pu être interprété comme la preuve de la structure de l'ADN? Alors ce cliché 51, c'est une des radiographies prises au cours de leurs expériences menées au King's College, qui représentent des taches de diffraction en forme de croix. Alors sans un regard expert, on n'y voit pas grand-chose, mais pour Rosalind Franklin, cette figure de diffraction, c'est la signature de la configuration de l'ADN. Elle y retrouve indirectement la structure en double hélice. Pour comprendre comment avoir une bonne lecture de cette radiographie, j'ai demandé des explications auprès d'une physicienne, Pascale Lenoy, qui est directrice de recherche au laboratoire de physique du solide à l'Université de Paris-Sud. Rosalind Franklin, au niveau expérimental, elle a clairement apporté les meilleurs résultats expérimentaux. Et en fait, elle a monté un appareil, un tube rayons X. Elle a été capable de réaliser des fibres d'ADN mieux alignées que toutes celles qui existaient avant, ce qui permet d'avoir un cliché de rayons X après, une image où les caractéristiques sont mieux séparées, plus visibles. Et ensuite, elle a essayé de les analyser et elle était en bonne voie. Alors sur ce cliché 51, on voit une forme de diffraction, mais c'est comment on pourrait avoir une interprétation, une lecture de, oui, de alors, cette image? Alors donc, les rayons X, c'est des ondes électromagnétiques comme la lumière. On peut considérer ça comme une sorte de vague et la longueur d'onde, c'est la période de la vague. Les rayons X, c'est exactement la même chose, mais avec des longueurs d'onde qui en fait sont de l'ordre de la distance entre les atomes. Et donc ça permet de sonder les distances entre les atomes et de remonter à la structure atomique des composés qu'on étudie. Ici, pour Rosalind Franklin, c'était l'ADN. Alors pour faire ça, en fait, on envoie des rayons X sur un échantillon et on regarde ce qu'il y a derrière. À l'époque, ça, c'était sur des négatifs qui étaient développés. Maintenant, on utilise des détecteurs bidimensionnels. Et ce qu'il y a derrière, c'est le résultat de phénomènes d'interférence. C'est ça, la diffraction. Alors l'interférence, vous pouvez le voir de la façon suivante. Si vous prenez deux vagues qui se rencontrent, qui se croisent en face, les deux vagues vont s'additionner, on aura une crête deux fois plus haut. Au contraire, si un maximum d'une vague est à l'endroit du minimum de l'autre, ils vont s'annihiler. Et c'est ce qu'on appelle là une interférence destructive. Donc, sur un cliché de diffraction, en fait, on voit des taches noires qui correspondent à des interférences constructives et puis des régions claires qui sont à des interférences destructives. Alors, je rappelle juste qu'en fait, on envoie des rayons X sur de l'ADN qui renvoie lui-même dans toutes les directions ces rayons X, ce qui donne ces franges sombres et claires. Et en mesurant les longueurs, on peut avoir des informations sur la configuration. Exactement, oui. Les rayons X après le passage donc, par cette fibre, donc avec des effets d'interférence au sein de la fibre, on remonte aux caractéristiques structurales, longueurs, etc. de l'ADN dans la fibre. Alors sur ce cliché de Rosalind Franklin, en fait, on voit une croix de Saint-André d'abord. Alors une croix de Saint-André, c'est un X, donc. Et en fait, on voit des stries horizontales qui sont limitées horizontalement et verticalement, qui sont sur ce X. Et ça, pour quelqu'un qui connaît la diffraction, ça veut dire qu'on a une hélice. Et on peut même déduire toutes les mensurations de l'hélice, des caractéristiques de la croix. La distance entre deux lignes horizontales est proportionnelle à l'inverse du pas de l'hélice. Donc on obtient le pas de l'hélice qui vaut 3,4 nanomètres pour la DNB. Donc là, on a cette croix qui est bien définie parce que les molécules sont bien orientées. L'axe de l'hélice, c'est la verticale du X. Après, il y a une autre donnée qui est très importante et qui a été une donnée fondamentale pour Watson et Crick. C'est le fait que quand on suit les lignes sur cette hélice, en fait, la quatrième ligne n'est pas là. Elle manque. On voit la première, deuxième, troisième et cinquième. Et ça, si elle n'est pas là, ça veut dire qu'on a une interférence destructrice. Si on avait une seule hélice, il n'y aurait pas d'interférence destructrice, donc il faut qu'on ait deux hélices. Et ça nous donne en réalité la position de la deuxième hélice par rapport à la première, elle est déplacée de 3 huitièmes du pas. Donc à partir de cette image, on peut dire que l'ADN est une double hélice, on peut dire comment les deux brins sont l'un par rapport à l'autre. Si on regarde attentivement les composantes du X, donc le diamètre d'une hélice, son pas, donc la période le long de l'hélice, et puis la position d'une hélice par rapport à l'autre. Alors ces hélices, en fait, elles sont faites de phosphate et de désoxyribose. Maintenant, un autre point majeur sur ce cliché que vous voyez là, c'est sur la verticale, en haut du cliché, en haut et en bas, il y a une grosse tache noire, c'est-à-dire une forte interférence constructrice. Et quand on repasse dans les distances auxquelles ça correspond, dans la molécule d'ADN, c'est une distance de 0,34 nanomètres. Donc là, c'est beaucoup plus petit, on est à quelques angstroms. Et cette distance, c'est la distance entre les paires de bases. Donc on peut voir l'ADN en fait comme une échelle vrillée dont les montants sont les hélices et dont les barreaux sont les paires de bases. Et un apport très très important de Watson et Crick, ça a été de se rendre compte que les seules paires qui avaient des liaisons hydrogènes, des liaisons assez fortes entre elles, et qui pouvaient occuper les 2 nanomètres de diamètre de l'hélice correctement, c'était les paires AT et GC. Il apporte la notion de complémentarité entre les bases. En fait, là, ils ont déduit des données structurales qu'on peut lire sur le cliché que les bases sont appariées, qui révélaient le fonctionnement de l'ADN. Et là, je voudrais insister sur le fait que quand... Bon, on fait toujours beaucoup d'études de structures dans les laboratoires, avec des sources rayons X en laboratoire ou en synchrotron. On ne fait pas ces études de structure uniquement pour décrire la structure, mais aussi parce que c'est toujours extrêmement lié aux fonctions et aux propriétés, comme là on le voit pour l'ADN. Voilà l'histoire de ce cliché 51 et des conclusions qui en ont suivi. Une réaction à ce reportage que vous venez d'entendre, Carole Ecoffet ? Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'ai souvent vu ce cliché, mais ne faisant pas de la cristallographie au quotidien, je n'avais jamais eu l'explication complète de tous les détails qu'il y avait dans ce cliché. Alors, ce cliché dont on va vous mettre la photo, on l'a déjà mis sur le fil Twitter, on va remettre une photo peut-être d'un peu meilleure définition pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Michel Morange. Oui, moi aussi, c'était une explication très complète et qu'on a très rarement. Peut-être pour rajouter, c'était mentionné à la fin, la complémentarité des bases, ils l'ont trouvée à partir d'une sorte de modélisation manuelle lorsqu'ils ont cherché à construire un modèle grandeur nature en quelque sorte. Ils ont eux-mêmes découpé la structure des bases dans du carton et puis ils ont assemblé, puis ils ont regardé quelles étaient les bases qui pouvaient coller l'une avec l'autre. Donc il y a eu... On parle de Crick et Watson là pour oui. le coup. Hein. On parle de Crick et Watson, oui. Donc le mérite qu'ils ont eu enfin d'aller un peu plus loin que le cliché en quelque sorte et justement montrer la complémentarité. Et ça, c'était une technique que Linus Pauling, l'Américain, avait un peu mis au point, cette méthode de modélisation grandeur nature, et qu'ils ont exploité à fond pour l'ADN. Plus le fait que ça correspondait aux complémentarités de Chargaff. L'hélice s'enroulait, je ne sais pas comment le dire. Donc là, on commençait à avoir un modèle qui répondait à plein de faits expérimentaux qui avaient été observés par ailleurs. Ce qui est intéressant, ce qu'on entend dans ce reportage, c'est que Crick et Watson ne se sont pas, entre guillemets, contentés de récupérer ce cliché, de le prendre ou de le prendre à leur profit. Ils ont réussi à en déduire un certain nombre de choses, en tout cas à confirmer un certain nombre d'hypothèses qu'ils avaient déjà, qui étaient des intuitions autour desquelles ils tournaient. Ils avaient juste besoin effectivement d'une preuve expérimentale. Et c'est en obtenant ce cliché qu'ils ont obtenu cette preuve expérimentale, Carole et Coffey. Oui, alors... donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faut raconter cette histoire, parce que Rosalind Franklin a été un peu trahie de l'intérieur, en quelque sorte. Tout à fait, puisque c'est Wilkin qui montre le cliché. Sans le consentement de Rosalind Franklin. Non, bien sûr, elle n'était pas du tout au courant qu'on avait montré son cliché. De toute façon, les relations étaient telles, mais que c'était pas possible de discuter avec elle. Ils ont du coup pas cherché non plus à l'associer aux recherches, parce que ce qui aurait dû se passer, quand bien même ils auraient été au courant qu'elle avait travaillé dessus, c'est aller la voir et puis commencer à collaborer, travailler ensemble. Maintenant, tout est passé par Wilkins, qui lui avait accès à ces résultats qui n'étaient pas encore publiés et qui les a montrés. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que il y a des résultats, il y a des conclusions écrites, il y a des manuscrits, trois manuscrits rédigés par Rosalind Franklin dès janvier 53, qui présentent l'ADN avec cette structure en double hélice. On trouve des envois à une revue danoise qui s'appelle Acta Cristallographica, mais on l'expliquait tout à l'heure, Rosalind Franklin et Gosling ne sont pas dans une forme de précipitation, ils ne veulent pas publier à tout prix, ils ont besoin encore de preuves expérimentales, Michel Morange. Oui, et d'ailleurs on peut ajouter que c'est ce qui a failli se passer, c'est-à-dire Watson et Crick ont failli publier seuls dans la revue Nature, et c'est Maurice Wilkins qui a protesté en disant qu'il fallait qu'il soit associé, et ainsi que Rosalind Franklin d'ailleurs, à la publication, puisque quand même ils avaient apporté... plusieurs fois d'ailleurs, puisque Maurice Wilkins avant avait apporté des informations à Crick et Watson, qui soient associés donc à la publication du modèle de Crick et Watson, ce que finalement Crick et Watson ont accepté. Mais il faut préciser que le papier de Nature date du 25 avril 1953, et effectivement il y a des remerciements de Rosalind Franklin et de Maurice Wilkins, mais ils ne sont pas crédités en tant que co-auteurs de cette publication. Non, mais ils ont des papiers joints qui suivent immédiatement le papier de Watson et Crick, et qui sont les données expérimentales, justement. Alors, comment se fait-il que le nom de Rosalind Franklin finisse par être évincé, finalement, de cette découverte, et que tout le crédit en revienne, toute la postérité en revienne, à essentiellement Crick et Watson, et dans une moindre mesure à Wilkins? Toujours pareil, les problèmes humains au sein du laboratoire font que on lui demande même de ne plus travailler sur l'ADN. Randall lui a interdit de travailler sur l'ADN. Et donc soit elle rentrait dans le rang quelque part, soit elle partait. Elle n'avait plus vraiment le choix, et du coup elle va chercher ailleurs. Elle va chercher ailleurs, elle va quitter le King's College de Londres, elle va partir dans une autre institution, le Birkbeck College, et là, effectivement, elle va interrompre ses travaux sur l'ADN, mais elle va continuer malgré tout à travailler dans le même domaine, puisqu'elle va s'intéresser au virus et précisément à l'ARN viral. Alors, les virus, à l'époque, c'est un objet très intéressant pour les biologistes, parce que c'est ce qu'on pense à l'époque être des êtres vivants, les plus simples possibles. Et quelques années auparavant, Wendell Stanley avait cristallisé un virus, et on avait eu le sentiment qu'il avait cristallisé la vie, et qu'on allait maintenant pouvoir connaître entièrement ce qu'était la vie à partir de ces cristaux de virus. Donc, ils étaient très étudiés. Et c'était donc un domaine très intéressant. Elle ne renonce pas à une question, des questions biologiques importantes. Elle se tourne vers un projet qui est aussi intéressant d'une certaine manière. Carole Écoffet, évidemment. Donc, elle approche un autre grand groupe de cristallographie des molécules du vivant, qui est celui de Berkeley College et en particulier de Bernal. Et Bernal est un personnage assez intéressant puisqu'il a autour de lui, enfin, il est de l'école de Bragg, enfin, c'est toute cette école cristallographique anglaise, mais lui, il va détecter des talents, il va révéler des personnes, mais l'ambiance est complètement différente de ce qu'il y a au King College. Il faisait travailler beaucoup de femmes. C'était sans doute un des endroits en Angleterre où les femmes étaient les plus admises dans les laboratoires. Même si Dorothy Hodgkins a été créée son propre laboratoire, mais elle vient de là aussi. Elle garde des liens très forts avec ce laboratoire. Donc, elle va arriver dans un endroit où elle sera reconnue pour ses compétences scientifiques, où elle sera attendue, où il y a une reconnaissance du travail fait, que les personnes soient femmes, hommes, qu'elles viennent de n'importe où. Donc elle va travailler avec un Sud-Africain d'ailleurs, Aaron Klug, sur elle va poser en quelque sorte. Est-ce que c'est un peu exagéré de dire que sur ses travaux qui sont malheureusement les derniers travaux et les dernières années de sa vie, puisqu'elle commence à se savoir malade à cette époque-là, poser les bases de la virologie structurale, Michel Morange? Oui, tout à fait, puisque la question qui va commencer à être posée, c'est comment s'assemble le virus à partir de la molécule d'ARN et puis des protéines, des unités de protéines qui l'entourent. Et ça va conduire à l'idée comment se fait une forme à partir de protéines élémentaires. Et effectivement, ça pose les bases de la virologie structurale, ce qui permettra à Aaron Klug d'avoir le prix Nobel, d'ailleurs, quelques années plus tard. Carole Écoffet, sur cette fin de carrière, la santé de Rosalind Franklin commence à se dégrader à partir de 1956. Elle se sait malade et pour autant, on peut dire elle est atteinte d'un cancer des ovaires, qui sont liés un peu, peut-être, on suppose qu'ils sont liés à ses nombreux travaux autour et avec les rayons X. C'est presque sûr. On sait très bien qu'un grand nombre de scientifiques qui ont travaillé avec des rayons X sont décédés de cancer à des âges très, très jeunes. Elle se sait malade. Néanmoins, c'est sans doute dans cette période-là, elle n'aurait pas eu cette maladie. Sa carrière était vraiment lancée. Elle commençait à avoir une équipe autour d'elle, des gens avec qui elle travaillait très bien, en particulier Klug. Klug, ça va être aussi son héritier spirituel. C'est lui qui va continuer tout son travail. Et on voit bien, il va obtenir aussi un prix Nobel. Le rapport de dominance masculin-féminin s'inverse, puisque c'est lui qui va vraiment devenir son élève et qui va perpétrer effectivement ses travaux. Oui, mais il y a comme ça une transmission du savoir et on n'était plus du tout dans des relations masculin-féminin. C'était simplement des relations de collaboration scientifique. Elle va travailler également avec Si vous voulez que je retrouve, il faut que je me replonge dans mes fiches parce que je n'ai pas tous les noms, mais je vais le retrouver. Don Caspar, qui connaissait bien Crick. Elle, à cette période-là, elle est même amie avec les Crick. Donc il y a toute la période du cliché qu'on a sur Rosalind est passée. On est passé à autre chose. Mais malheureusement, elle tombe malade et là, elle va se battre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, même dans son délire, elle dit « Aaron, tu viens, c'est toi qui viens pour m'aider à résoudre un cliché. » Je crois que c'était dans les dernières phrases qu'elle a dit. Mais néanmoins, elle a eu une période fantastique au niveau scientifique à ce moment-là. Pour conclure cette émission, vous l'avez dit au tout début, hein, Carole Écoffet, le fait que, bon, évidemment, sa disparition brusque a empêché sa carrière d'aller jusqu'à son summum. On suppose qu'elle aurait pu effectivement obtenir un prix Nobel, mais il y a aussi une volonté très délétère de Watson, qui est un personnage assez odieux et qui est un personnage qui s'est révélé odieux jusqu'au bout, puisqu'il a dit des choses absolument épouvantables, eugénistes, homophobes, enfin, et qui a beaucoup œuvré finalement à minorer l'importance de Rosalind Franklin dans cette découverte de la structure de l'ADN. Oui, alors Watson, effectivement, il a montré qui il était par la suite. Malheureusement, le prix Nobel ne récompense pas forcément des personnes dont l'humanité est reconnue. C'est comme ça. En revanche, que ce soit Crick, même Wilkins, ils ont toujours eu par la suite des mots en disant « Attendez, on l'a très mal considéré, ils ont remis ensuite, revalorisé le travail de Rosalind Franklin ». Cette réhabilitation, Michel Morange, vous pensez qu'aujourd'hui, elle est effectuée à partir de quand on redécouvre finalement l'importance de ces travaux dans la compréhension de la structure de l'ADN et finalement dans l'ouverture de la génétique à la modernité? Je pense que ça s'est fait finalement réaction à l'ouvrage de Watson et que ça s'est fait progressivement et on a montré petit à petit sa contribution et puis toutes ses autres contributions. Et qu'aujourd'hui, elle a effectivement toute sa place dans l'histoire que nous avons évoquée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que cette réhabilitation de Rosalind Franklin, elle a permis aussi aux grandes femmes scientifiques à montrer qu'il y avait besoin de plus de reconnaissance, que de nombreuses femmes sont restées pendant longtemps dans l'ombre d'un certain nombre de chercheurs et n'ont pas obtenu tout le crédit scientifique qu'elles auraient mérité? Certes, mais en même temps, il y a quand même le problème que parler de Rosalind Franklin qui a eu un destin tragique, c'est oublier toutes celles qui, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de Dorothy Hodgkin, dont on parle très peu et qui a eu une carrière remarquable et des femmes scientifiques remarquables et qui en plus s'engagent pour faire bouger la société. Il y en a partout dans le monde. Donc il faudrait pas non plus que les carrières tragiques cachent toute la réalité de celles qui se battent et qui font vraiment avancer les choses. Je pense à toutes ces femmes qui ont le prix L'Oréal UNESCO dont on a parlé ici même il y a quelques semaines, puisqu'il a été remis il y a 15 jours, 3 semaines. Et qui sont quasiment toutes remarquables. Bien sûr. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un effort, pour conclure, de l'Académie Nobel à faire pour mieux reconnaître, pour plus primer de femmes, juste rétablir ce déséquilibre criant qui est qu'aujourd'hui, seuls 4% de femmes ont obtenu des prix Nobel depuis plus d'un siècle de création. Alors s'il peut y avoir plus de reconnaissance en physique-chimie, effectivement, ça serait bien. Mais également peut-être une autre forme de reconnaissance dans les médias, dans la médiatisation des scientifiques de façon générale. Je me rends compte qu'un grand nombre de scientifiques qui sont interviewés sont... Aujourd'hui, ça commence à changer, mais il y a quand même plus d'hommes qui prennent la parole que de femmes, de façon générale. Eh bien, croyez bien que nous essayons, tentons d'y œuvrer ici même dans cette émission au maximum de nos possibilités. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter cette histoire de Rosalind Franklin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez réécouter également la série documentaire consacrée aux femmes scientifiques. On y parle notamment dans un des numéros de Rosalind Franklin. Il est question aussi, bien sûr, de Marie Curie, mais aussi de Pascal Cossard. Voilà, on va vous mettre une fois de plus les liens sur le fil Twitter de l'émission de cette excellente série de LSD qui est toujours coordonné par Perrine Kervran. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Sarah Igemans, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique.